l'école du Seigneur. Allons à la découverte des vérités bibliques. À l'école du Seigneur, instruisons-nous au pied du Maître. Nous vous laissons en compagnie du révérend Dieudonné Ngumbi. Nous voulons saluer chaleureusement toutes les étudiantes et étudiants de l'école du Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soient multipliées. Nous commençons un nouveau thème qui va sûrement vous édifier. Nous parlerons de la place de l'Afrique dans la Bible et dans le plan de Dieu. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission. Au microphone, votre serviteur Dieudonné Ngumbi. Il y a une certaine opinion qui estime que le christianisme est une religion des Blancs, une religion des Européens, une religion des Asiatiques ou des Américains. Ceux qui pensent ainsi affirment aussi que la Bible serait un livre qui serait taillé sur mesure des Européens ou des Américains. Il est vrai que certains missionnaires au temps de la colonisation ont utilisé la Bible ou le message biblique ou l'évangile pour coloniser les Africains. Mais cela ne voudrait pas dire que la Bible ou le christianisme est réservé uniquement aux Blancs. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu uniquement pour une couche de la population, bien que Jésus soit de nationalité juive d'origine. Mais la Bible nous montre que Jésus est venu comme le sauveur de toute l'humanité. Il est aussi le sauveur des Africains. Avant d'aller plus loin, nous aimerions lire un passage intéressant dans Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 6. Au verset 11, il est écrit « Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres « Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Parthes, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Lorsque nous lisons ce passage, nous nous rendons compte que le jour de la Pentecôte, il y avait une multitude d'hommes venant de toutes les contrées qui étaient réunis à Jérusalem. Et au nombre de ces personnes, il y avait des Africains. Le jour de la constitution de l'Église, l'Afrique était représentée parce que, on cite les gens de l'Égypte. L'Égypte fait partie de l'Afrique. On cite également les territoires de la Libye, voisine des Cyrènes. Voici déjà quelques indicatifs qui nous montrent que le jour de la Pentecôte, lorsque l'Église était constituée, lors de l'effusion du Saint-Esprit, au nombre de ces personnes réunies à Jérusalem, qui parlaient dans d'autres langues, il y avait deux Africains. Le mouvement pentecôtiste ne doit pas être considéré comme un mouvement venant de l'Europe ou d'autres continents. Déjà, le jour de la Pentecôte, il y avait des Africains qui étaient dans le mouvement de la Pentecôte. Le christianisme n'est pas donc une religion réservée aux Blancs ou aux Européens ou aux Américains. Parce que Jésus n'est pas venu uniquement pour les Blancs, mais il est venu aussi pour les Africains. Et nous verrons que tout au long de la Bible, de l'histoire biblique, dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau, l'Afrique a joué un rôle important et il y a des figures africaines, des Africains, qui ont été utilisées par Dieu pour l'accomplissement de son plan. Depuis très longtemps, les Africains ont souffert d'un complexe d'infériorité par rapport à d'autres peuples. Ils se sont toujours considérés comme un peuple inférieur aux Blancs, inférieur aux Européens ou aux Américains. Ils se sont toujours considérés comme un peuple maudit. On parle souvent de la malédiction que Noé a prononcée, qu'elle se serait abattue sur les Africains et particulièrement les Africains noirs. En tant que descendants de Cam, nous allons dans ce cours examiner si ces affirmations sont justes à la lumière de la Bible. Le sous-développement du continent africain, les guerres tribales et ethniques, l'esclavage sont autant de mots qui sont cités pour affirmer que l'Afrique ou les Africains sont maudits. Dans ce cours, nous aurons un autre regard sur l'Afrique à partir de ce que la Bible nous enseigne et à partir de l'évolution de l'histoire de l'Église. Ceux qui soutiennent la thèse selon laquelle le christianisme est une religion de blancs estiment que les Africains devraient plus s'attacher à leur religion dite traditionnelle ou créer des églises dites indépendantes qui s'imprégneraient des réalités africaines et qui répondraient aux besoins de l'homme noir. Dans plusieurs pays africains, le taux de pratiquants de l'animisme est très élevé parce que l'homme noir est encore attaché aux coutumes et traditions africaines. Plusieurs estiment encore que pour atteindre Dieu, le Créateur, il faille passer par des êtres intermédiaires qui sont les ancêtres à qui nous devrions offrir des sacrifices. Ils pensent que lorsqu'on a des problèmes tels que les blocages dans le mariage, les maladies qui perdurent, la stérilité, la récolte maigre, le mot qui s'abatte dans les villages ou dans la nation, nous devrions offrir des sacrifices aux ancêtres ou aux génies. Mais lorsque nous lisons attentivement la Bible, nous nous rendrons compte que la pratique des sacrifices fait partie de l'ordre ancien ou des pratiques de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Pour s'approcher de Dieu, l'homme devrait offrir des sacrifices tels que l'Holocauste, le sacrifice d'expiation, le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice de culpabilité. Mais lorsque Jésus est venu dans ce monde, en tant que souverain sacrificateur et en tant que sacrifice parfait, l'agneau qui a été immolé, son seul sacrifice sur la croix a aboli les autres sacrifices. C'est pourquoi il pouvait dire sur la croix « Tout est accompli ». Lorsqu'il disait « Tout est accompli », il voulait dire que l'œuvre du salut a été achevée à travers sa mort sur la croix de Golgotha. Tout a été accompli pour toute l'humanité, non seulement pour les Européens ou les Américains ou les Asiatiques, mais c'est aussi pour les Africains. Ils peuvent bénéficier de l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix de Golgotha. Nous respectons le choix de religion de chacun, mais il ne faudrait pas que les Africains rejettent le christianisme sous prétexte que c'est une religion des Blancs. Il ne faut pas non plus que nos religions indépendantes africaines soient des religions ou des églises et des réactions contre l'homme blanc. Il faudra qu'elles s'imprègnent de la Bible comme parole de Dieu pour redécouvrir la place de l'Afrique dans la Bible et dans l'accomplissement du plan de Dieu. La Bible est un livre qui parle à l'homme. La Bible est un message que Dieu adresse à tout homme, sans distinction des races ni des continents. Nous avons connu à un moment donné le courant des églises dites indépendantes qui sont nées comme une réaction à la colonisation et dont l'un des objectifs était de lutter pour l'indépendance des pays africains et d'apporter aux Africains un évangile qui libère l'homme noir aussi bien sur les plans spirituels que sur les plans physiques. Nous pouvons citer à titre d'exemple l'église kimbanguiste, l'église ariste et bien d'autres. Il est vrai qu'il n'est pas mauvais que les Africains créent des églises qui s'imprègnent de réalités africaines. C'est important. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons penser que le christianisme ou la Bible seraient uniquement taillés sur mesure des Blancs, des Européens, des Asiatiques ou des Américains. En lisant attentivement la Bible, parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que l'Afrique est présente dans l'histoire du peuple de Dieu. Et elle a joué un rôle très important dans l'accomplissement du plan de Dieu. Et l'Afrique continue encore aujourd'hui à occuper une place importante dans l'accomplissement du plan de Dieu. C'est pour ces raisons que nous a paru important de développer ce thème, chères étudiantes, étudiants de l'École du Seigneur. La place de l'Afrique dans la Bible et dans l'accomplissement du plan de Dieu. Comme nous en avons l'habitude, notre leçon d'aujourd'hui va nous présenter un panorama des différents sous-thèmes que nous aurons à développer. Le premier sous-thème que nous aurons à développer, c'est la richesse de l'Afrique selon la Bible. Nous verrons déjà que depuis les livres de la Genèse, lorsqu'on parle du jardin d'Éden, nous verrons quelques indices qui nous montrent déjà les richesses de l'Afrique. Nous parlerons de l'Égypte, qui est souvent citée dans la Bible. Il est évident que lorsque nous parlons souvent de l'Égypte, nous voyons toujours ces points négatifs de l'Égypte comme lieu de l'esclavage des enfants d'Israël, où Pharaon et son peuple opprimaient les Israélites, alors que ces derniers devraient quitter l'Égypte et aller vers Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et dans notre herméneutique, c'est-à-dire dans notre manière d'interpréter la Bible ou les faits bibliques, l'Égypte symbolise souvent pour nous le monde que nous devons quitter pour vivre une vie chrétienne qui plaise à Dieu et entrer dans notre Canaan. Mais nous ne devrions pas seulement nous limiter à cette lecture-là. Nous devrions avoir une autre lecture sur les plans sociologiques et sur les plans historique de l'Égypte en tant que pays africain. Et de ce point de vue, nous verrons le point positif que l'Égypte a joué dans l'histoire du peuple de Dieu. L'Égypte était un pays d'abondance, un pays d'approvisionnement du peuple de Dieu lors des grandes famines, mais aussi un lieu de refuge, même au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de l'Égypte, on voit le continent africain. Lorsqu'il y avait des grandes famines en Israël, c'est en Égypte qu'il partait pour chercher à s'approvisionner. Déjà au temps d'Abraham, il est parti en Égypte pour chercher de quoi manger. Il en est de même au temps de Joseph. La famille de Jacob, les frères de Joseph, sont tous partis en Égypte pour s'approvisionner. Et ils y sont restés dans le territoire de Goshen. La Bible cite aussi d'autres pays tels que la Libye et l'Éthiopie qui avaient de grandes richesses. Nous parlerons de la puissance militaire de l'Afrique. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de grandes puissances. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous allons nous rendre compte que la Bible nous présente des grandes puissances de pays africains de l'époque. Souvent, Dieu faisait mention de la puissance de l'armée d'Égypte, l'armée des pharaons, de l'armée des Éthiopiens, de l'armée des Libyens. Nous allons citer quelques noms des Africains qui sont dans la Bible, qui sont présentés comme nos ancêtres et qui ont joué des rôles importants dans l'accomplissement du plan de Dieu. Nous parlerons de certaines villes africaines qui sont citées dans la Bible comme des centres de rayonnement sur le plan commercial et sur le plan spirituel. Nous citerons des villes telles que Alexandrie, telles que Cyrène et bien d'autres. Nous aborderons également la question de la malédiction présumée des Africains à la lumière de la Bible. Il s'agira pour nous de chercher à répondre à la question de savoir si les Africains sont maudits en tant que descendants de Cam, comme certains l'affirment. Nous verrons la place de l'Afrique dans l'histoire de l'Église. C'est ainsi que nous parlerons des pères de l'Église, ces personnages qui ont joué un rôle important dans l'histoire de l'Église au 1er siècle. Parmi ces pères de l'Église, il y avait des Africains qui étaient des géants sur le plan théologique. L'Afrique du Nord était le centre de rayonnement du christianisme au 1er siècle. Nous verrons enfin la place de l'Afrique dans la mission et l'évangélisation du monde. L'Église d'Afrique doit être consciente du potentiel et du rôle missionnaire qu'elle doit jouer pour l'évangélisation du monde. C'est fini pour aujourd'hui. La fois prochaine, nous entrerons dans le vif du sujet. Au revoir. C'était à l'école du Seigneur avec le révérend Dieudonné Ngumbi. Une production de la radio Fréquence Vie, Abidjan, Côte d'Ivoire.